Sainte-Anne de la Palude, le pardon de la mère à Alexandra Vassilievna. Chapitre 1. La première fois que je visitai le sanctuaire de la Palude, c'était en hiver. Je m'y rendis de Châteaulin dans une mauvaise carriole de paysan. Il faisait un après-midi d'un gris pluvieux qui avait toute la tristesse d'un crépuscule. L'homme qui conduisait avait une mine couleur du temps. On ne voyait de lui qu'un grand feutre au bord cassé et une limousine bigarrée dont il s'était enveloppé tout le corps comme d'un burnous. Ni à l'aller, ni au retour, je ne pus lui arracher une parole. À chacune de mes questions, il se contentait de répondre par un grognement. S'il ne parlait pas en revanche, il sifflait. Tant que dura le trajet, il siffla sans désemparer et toujours le même air, quelques chansons de pâtre d'une désespérante monotonie. Je crois l'entendre encore. Pour compagne de voiture, j'avais une petite crozonnaise qui revenait de Lourdes et que nous devions débarquer dans les parages du Ménézom. Elle s'obstinait, elle aussi, dans un mutisme farouche, le visage dissimulé sous la cape d'un épais manteau de bure noire et dans les doigts un chapelet à gros grains, un souvenir de là-bas, dont elle faisait glisser les dizaines d'un mouvement continu et furtif. La prière errait sans bruit sur ses lèvres minces. Ses paupières demeuraient opiniâtrément baissées, sans doute pour ne rien laisser fuir du monde de visions extatiques qu'elle rapportait de son pèlerinage. Son front étroit, d'un dessin très pur, était fermé comme d'une barre. J'eusse souhaité avoir de sa bouche quelques renseignements sur le grand pays mélancolique, inconnu pour moi, que nous traversions et dont les moindres détails devaient lui être familiers. Mais je devinais tout de suite en elle de ces petites sauvagesses de la côte bretonne, pour qui tout homme habillé en bourgeois, parla-t-il leur langue, est un étranger, un être suspect. Je n'eus garde de la troubler dans son oraison. Ce fut un singulier voyage, ce que les Bretons appellent un voyage de purgatoire, à cause sans doute de l'aspect fantomal que prennent les lointains sous les ciels bas et troubles, noyés d'eau. Nous gravîmes d'abord une série de paliers dans une contrée nue, hérissée seulement çà et là de pins sombres au feuillage couleur de suie, dernier survivant d'une forêt décimée. À droite, à gauche, s'arrondissaient des dos de collines pareilles à des tombes immenses des âges préhistoriques. J'ai su depuis les noms de ces cairns étranges. Presque tous sont connus sous des vocables de saints. Des chapelles se dressent à leur sommet ou s'accrochent à leurs flancs, petits oratoires déserts et caducs, où trônent quelques vieilles statues barbares et dont la cloche ne s'éveille qu'une fois l'an pour tinter une basse messe le jour du pardon. Si l'on en croit la légende, Gildas lui-même eut sa cellule sur une de ces hauteurs. Gildas, l'apôtre à la parole véhémente, le Jérémie de l'émigration bretonne. Sa grande ombre rôde, dit-on, inapaisé dans ces parages, il n'est pas rare durant les nuits de tempête qu'on entende gronder sa voix, mêlée au fracas de l'ouragan. À l'auberge des Trois Canards, le véhicule fit halte. Nous étions au pied du Ménézom. La crozonnaise descendit, paya sa place au conducteur et s'engagea dans la montagne, tandis que nous dévalions vers la mer. C'était maintenant des cultures boisées, des champs encadrés d'épais talus où apparaissait de temps à autre une toiture de ferme au centre d'un bouquet de chênes, mais le paysage restait muet et comme inhabité. Nous traversâmes deux ou trois bourgs sans voir une âme, puis de nouveau la terre se dégarnit. Plus d'arbres, nulle trace de labour, un souffle âpre nous fouetta le visage, des vols d'oiseaux blancs passèrent en poussant un cri bizarre, une sorte de glapissement guttural. Le bruit d'une respiration puissante et sauvage s'éleva, et par une échancrure des dunes j'aperçus l'océan. Je lui trouvai une mine rétrécie, à la fois odieuse et bête, sinistre et pleurarde. « Nous sommes donc arrivés ? » demandai-je à l'homme en le voyant sauter en bas de son siège. « Oui, » me répondit-il d'un ton bref et sans s'interrompre de siffler. De fait, la route semblait finir là, devant un porche en ruine donnant accès dans une cour au fond de laquelle une espèce de manoir de forme primitive croulait de vétusté. On eût dit un logis abandonné. Mon entrée mit en fuite une bande de poussins. Le sol de terre battue était jonché d'outils et d'engins de toutes sortes. Je dus enjamber une charrue renversée le soc en l'air. Des filets de pêche séchaient suspendus aux dents d'une herse le long de la muraille et des ouaillots, Des pioches de carrier traînaient pêle-mêle avec des rames, des poulies, des tronçons de mâts, épaves d'un récent naufrage, sentant le goudron et la saumure. Je crus m'être trompé, avoir pris la grange pour l'habitation, et je m'apprêtais à rebrousser chemin, quand vint se planter en face de moi, échappée je ne sais d'où, une fillette d'une douzaine d'années, figure âvre, aux yeux verts et phosphorescents, qui, posant un doigt sur ses lèvres, me fit signe de ne point parler. « Mon père s'assoupit, murmura-t-elle. Pour Dieu, donnez-vous garde de le réveiller. » Elle me montrait, à l'autre bout de la pièce, un lit clos, le seul meuble à peu près valide qu'il y eût en ce pauvre intérieur. Une forme humaine y était couchée dans une rigidité cadavérique. Un linge mouillé recouvrait le visage. Les mains, étendues à plat sur la couette de bal, étaient souillées de boue et de sang. « Qu'est-ce qu'il a donc, ton père ? Avant-hier, comme il revenait du marché, un peu saoul, je pense, la charrette lui a passé sur le corps. Depuis, il n'a cessé de geindre jour et nuit, si ce n'est tout à l'heure quand je lui ai appliqué ce linge sur la face. C'est le premier repos que je lui vois prendre. Et tu n'as pas appelé de médecin ? » À cette question si naturelle, la fillette scandalisée eut un bond d'effarement, et fixant sur moi ses claires prunelles de chatte sauvage, « Ne sommes-nous pas ici dans la terre de Sainte-Anne ? » prononça-t-elle. « Que parlez-vous de médecin ? Est-ce que la mère de la Palude n'est pas la plus puissante des guérisseuses ? Elle saura bien, sans l'aide de personne, guérir mon père, qui est son fermier. J'ai trempé par trois fois, en récitant trois oraisons, le linge que voilà dans l'eau de la fontaine sacrée. Et vous voyez par vous-même comme déjà sa vertu opère. Qu'est-il besoin d'autres médicaments ? » Elle n'avait pas élevé la voix, de crainte de troubler le sommeil du malade, mais dans son accent vibrait une foi sombre. Peut-être y perçait-il aussi quelque irritation contre moi, car elle ajouta aussitôt d'un ton presque hostile « Si vous êtes venu pour la clé, vous pouvez aller. La chapelle est ouverte. » En me dirigeant vers cette chapelle, je m'attendais à trouver une antique maison de prière, enfoncée à demi dans le sable des dunes, un de ces vieux oratoires de la mer comme j'en avais tant vu le long de la côte de Douarnenez à Pinmar, avec des murs bas, des fenêtres à ras de sol, une toiture massive et pour ainsi dire râblée, capable de braver pendant des siècles la colère tumultueuse des vents. Ce fut une église neuve qui m'apparut. Quand je dis neuve, j'entends de construction récente, car les choses en Bretagne prennent tout de suite un air ancien. Le granit des murs, fouetté par la pluie, avait revêtu des teintes de lave. La porte, en effet, était ouverte. J'entrai, un intérieur nu, sans poésie ni mystère, un jour blafard, la propreté morne d'une maison bien tenue dont le propriétaire serait constamment en voyage. Ça et là, des statues modernes, d'un goût vulgaire et prétentieux. Je ne laissais pas d'éprouver un désappointement assez vif après toutes les merveilles qu'on m'avait contées de ce lieu de pèlerinage. J'allais sortir, une petite toux chevrotante me fit me retourner, et dans le bas-côté méridional, j'avisai une forme humaine, repliée et comme écroulée sur elle-même, au pied d'un pilier. C'était une de ces vieilles pauvresses dont le type tend à disparaître et qu'on ne rencontre plus guère qu'aux abords des sources sacrées. Elle priait devant une image que je n'avais point aperçue. Sur le socle se lisait cette inscription « Sainte-Anne, 1543 ». De bizarres ex-voto pendaient, accrochés à la muraille, des béquilles, des épaulettes de laine, des linges maculés, des jambes en cire. Je fus frappé de l'extraordinaire ressemblance de la suppliante avec la sainte, l'une en pierre, l'autre pétrifiée à demi. Elles avaient même trait, même attitude et, dans l'expression, le même navrement. Ce masque de douloureuse résignation si particulier au visage de vieilles femmes en ce pays. Leurs accoutrements aussi étaient pareils, cape grise et jupe rousse, tablier à large devantière, venant s'épingler sous les aisselles. Ce me fut une occasion de constater que le costume local a peu varié depuis le XVIe siècle. En outre, je saisissais là sur le vif un des procédés, le plus original peut-être, de l'art breton. C'est dans leur entourage immédiat, parmi les gens du peuple dont ils faisaient partie et au milieu desquels ils travaillaient, que nos imagiers de la bonne époque prenaient leur modèle. Ainsi s'explique le réalisme naïf de la plupart des figures sorties de leurs mains, l'intensité de vie qu'elles respirent, l'empreinte ethnique dont elles sont marquées. C'est également ce qui fait que les têtes de nos saints paraissent moulées sur celles de nos paysans, et qu'avoir tel chanteur nomade, debout au seuil d'une chapelle, on se demande si ce n'est point un des apôtres du porche descendu de son piédestal. La pauvresse s'est élevée à mon approche. Elle tenait un plumeau rustique, des ramis de bouleau noués d'un lien d'écorce, dont elle se mit à épousseter religieusement les dalles du parquet. « Savez-vous, lui dis-je, que Sainte-Anne et vous avez l'air de deux sœurs ?»« Je suis comme elle, une aïeule, » me répondit-elle, « et comme moi, Dieu merci, elle est bretonne. »« Sainte-Anne, une bretonne, en êtes-vous bien sûr, ma reine vénérable ?» Elle me regarda de son œil de fée à travers ses longs cils grisonnants et d'un ton de pitié. « Comme on voit bien que vous êtes de la ville, les gens de la ville sont des ignorants. Ils nous méprisent, nous autres, gens du dehors, parce que nous ne savons point lire dans leurs livres. Mais eux, que seraient-ils de leur pays, si nous n'étions là pour les renseigner ? Eh oui, Sainte-Anne était bretonne. Allez au château de Moëlien, on vous montrera la chambre qu'elle habitait du temps qu'elle était reine de cette contrée. Car elle fut reine, elle fut même duchesse, ce qui est un plus beau titre. On la bénissait dans les chaumières à cause de sa bonté, de son infinie commisération pour les humbles et pour les malheureux. Son mari, en revanche, passait pour très dur. Il était jaloux de sa femme, ne voulait pas qu'elle eût d'enfant. Lorsqu'il découvrit qu'elle était grosse, il entra dans une grande colère et la chassa comme une mendiante, en pleine nuit, au cœur de l'hiver, à demi-nue sous une pluie glacée. Errante et plaintive, elle marcha devant elle au hasard. Dans l'anse de Tréfintec, au bas de cette dune, une barque de lumière se balançait doucement, quoique la mer fût agitée. Et à l'arrière de la barque se tenait un ange blanc, les ailes éployées en guise de voile. L'ange dit à la sainte, « Monte, afin que nous appareillions, car les temps sont proches. »« Où prétendez-vous me conduire ? » demanda-t-elle. Il répondit, « Le vent nous mènera, la volonté de Dieu est dans le vent. » Ils voguèrent du côté de la Judée, prirent terre dans le port de Jérusalem. Quelques jours plus tard, Anne accouchait d'une fille que Dieu destinait à être la Vierge. Elle éleva pieusement, lui apprit ses lettres dans un livre de cantiques, et fit d'elle une personne sage de corps et d'esprit, digne de servir de mère à Jésus. Sa tâche terminée, comme elle se sentait vieillir, elle implora le ciel, disant « Je me languis de mes Bretons, qu'avant de mourir je revoie ma paroisse, la grève, si douce à mes yeux, de la Palude en Plounévé-Porzay. » Son vœu fut exaucé, la barque de lumière la revint prendre, avec le même ange à la barre, seulement il était vêtu de noir, pour signifier à la sainte son veuvage, le seigneur de Moëlien ayant trépassé dans l'intervalle. Les gens du château, assemblés sur le rivage, accueillirent leur châtelaine avec de grandes démonstrations de joie, mais elle les congédia sur le champ. « Allez, leur enjoignit-elle, allez, et distribuez aux pauvres tous mes biens. » Elle avait résolu de finir ses jours terrestres dans la pénitence. Et désormais, elle vécut ici, sur cette dune déserte, en une oraison perpétuelle. L'éclat de ses yeux rayonnait au loin sur les eaux, comme une traînée de lune. Au soir d'orage, elle était la sauvegarde des pêcheurs. D'un geste, elle apaisait la mer, faisait rentrer les vagues dans leur lit, ainsi qu'une bande de moutons à l'étable. Jésus, son petit-fils, entreprit à cause d'elle le voyage de Basse-Bretagne. Avant de gravir le calvaire, il vint lui demander sa bénédiction, accompagné des disciples, Pierre et Jean. La séparation fut cruelle, Anne pleurait des larmes de sang, et Jésus avait beau faire, il ne réussissait point à la consoler. Finalement, il lui dit, « Songe, grand-mère, à tes Bretons, parle, et en ton nom, quelque faveur que ce soit, je suis prêt à la leur accorder. » La sainte alors essuya ses pleurs. « Eh bien, prononça-t-elle, qu'une église me soit consacrée en ce lieu. Et aussi loin que sa flèche sera visible, aussi loin que s'entendra le son de ses cloches, que toute chair malade guérisse, que toute âme, vivante ou morte, trouve son repos. Il en sera selon ton désir, répondit Jésus. » Pour mieux appuyer son dire, il planta dans le sable son bâton de route, et aussitôt des flancs arides de la dune, une source jaillit. Elle coule depuis lors, intarissable, qui boit de son eau avec dévotion, sent comme une fraîcheur délicieuse qui lui rajeunit le cœur et circule à travers ses membres. Un soir, il y eut dans le pays un grand deuil. Le ciel se couvrit d'une brume épaisse, la mer poussa des sanglots presque humains, Sainte-Anne était morte, Les femmes d'alentour vinrent en procession avec des pièces de toile fine pour l'ensevelir. Mais on chercha vainement son cadavre. Nulle part on n'en trouva trace. Ce fut une véritable consternation. Les anciens murmuraient tristement « Elle est partie pour tout de bon. Elle n'a même pas voulu confier à notre terre sa dépouille. C'est assurément que quelqu'un de nous, sans le savoir, lui aura manqué. » Cette pensée les affligeait. Soudain, le bruit courut que des pêcheurs avaient ramené dans leur seine une pierre sculptée. Quand on eut débarrassé la pierre des coquillages et des algues qui l'enveloppaient, chacun reconnut l'image de la sainte. Comme il n'y avait pas en ce temps-là de chapelle à la Palude, on décida de la transporter à l'église du bourg. Elle fut donc placée sur un brancard. Elle était si légère que 4 enfants suffirent à la monter jusqu'à la fontaine. Mais on ne put jamais la faire aller plus loin. Plus on s'efforçait de la soulever, plus elle devenait pesante. Les anciens dirent « C'est un signe, il faut lui bâtir ici sa maison ». Voilà, mon gentilhomme, la véridique histoire d'Anne de la Palude en Plounévé-Porzay. La voilà telle que je l'ai retenue de ma mère, qui l'a pris de la sienne, à une époque où les familles se transmettaient pieusement, de mémoire en mémoire, les choses du passé. La bonne vieille, tout en comptant, balayait, amassait la poussière par petits tas, la recueillait à mesure dans le creux de son tablier. Après m'avoir parlé de la sainte, elle m'entretint de sa vie, à elle, de sa longue et monotone vie, nue, vide, silencieuse, dépeuplée comme ce sanctuaire où elle achevait de s'écouler péniblement. C'était effrayant, c'était tragique, à force de simplicité. Une joie brève, çà et là, une de ces fleurettes éphémères dont s'étoile, au printemps, le gazon des dunes. Quant au reste, des deuils, des glas, et dominant tout, le bruit de mâchoire que fait dans les galets la mère broyant ses victimes. Je n'ai plus de fils. Mes brus sont mortes ou remariées. Je m'assieds quelquefois au foyer des autres, mais j'y suis mal à l'aise. Leur flamme ne réchauffe point. Des douaniers compatissants m'ont abandonné une des huttes basses où ils ont coutume de s'abriter la nuit lorsqu'ils sont de garde le long de cette côte. J'y couche sur un lit de varech. Mais je ne me plais qu'ici. Tous les matins, je vais à la ferme prendre la clé. Je remplis les fonctions de sacristine. Je sonne les 3 angélus. Je reçois les pèlerins et je leur fais les honneurs de la maison. Souvent, ils me demandent de réciter pour eux des oraisons spéciales dont je suis à peu près seule à posséder le secret. Je les conduis à la source. Je leur verse l'eau dans les manches ou sur la poitrine, suivant le genre de maladie dont ils sont atteints. Dès qu'ils se mettent en route pour venir trouver la sainte, j'en suis avertie par des signes particuliers et surnaturels. Tantôt, c'est le bruit d'un pas invisible dans l'église déserte. Tantôt, un craquement dans les boiseries de l'autel. Tantôt, enfin, quand il s'agit d'un grand vœu, de légères gouttes de sueur perlent au front de la statue. En général, il n'y a de monde que le mardi, qui est le jour consacré. Le reste de la semaine, la mère de la Palude n'a devant les yeux que ma pauvre vieille face, aussi délabrée qu'un mur en ruine. Elle me sourit néanmoins, se montre envers moi pitoyable et douce, m'encourage, me sauve des tristesses où sans elle je serais noyée. Je lui tiens compagnie de mon mieux. Je cause avec elle, il me semble qu'elle me répond. Je lui chante les guerres qu'elle aima, son cantique le plus beau, je pense, qu'il y ait en notre langue. Et puis je nettoie, j'arrose, je balaye, je recueille les poussières, j'en donne aux pèlerins des pincées qui, répandues sur les terres, activeront le travail des semences, préserveront de tout dégât le blé des hommes et le foin des troupeaux. Je voulus lui glisser dans la main quelques pièces de monnaie. « Le tronc est là-bas, » me dit-elle. « Moi, je ne suis qu'une servante en cette demeure. Je n'ai pas qualité pour recevoir les offrandes. » Je craignis de la voir froissée, mais, au premier mot d'excuse, elle m'interrompit, et comme je prenais congé, « Revenez nous voir, mon gentilhomme. Tâchez seulement que ce soit en été, le dernier dimanche d'août. Alors, vous contemplerez Sainte-Anne dans sa gloire. Nulle fête n'est comparable à celle de la Palude, et celui-là ne sait point ce que c'est qu'un pardon qui n'a pas assisté sous la splendeur du soleil béni aux merveilles sans égale du pardon de la mère. » Chapitre 2. J'ai suivi votre conseil, bonne vieille. Hélas, je vous ai cherché en vain dans l'église et sur la crête des falaises où vous aviez, disiez-vous, votre gîte. En vain, je me suis adressé aux douaniers de garde. Ce n'étaient déjà plus les mêmes qui vous furent si hospitaliers. Ils ne se rappelaient pas vous avoir connu. Sans doute, la barque lumineuse vous sera venue prendre, vous aussi, par quelque soir de pluie glacée, et vous êtes partie pour la rive idéale, paisiblement, certaine que là-haut, une Sainte-Anne pareille à celle de vos rêves vous faisait signe et vous attendait. Elle n'exagérait point l'humble zélatrice de la palude, en affirmant que ce pardon est de toutes les solennités bretonnes la plus imposante et la plus belle. C'était un samedi de la fin août, un peu avant le coucher du soleil. Du sommet de la montée de Tréfintec, le paysage sacré nous apparut dans un éclat de lumière rousse. Quel contraste avec la terre de désolation que j'avais entrevue naguère, si pâle, si effacée, enveloppée d'une brune où elle s'estompait confusément, sorte de contrée fantôme, image spectrale d'un monde mort. Tout, à cette heure, y respirait la vie. Une fièvre de bruit et d'agitation semblait s'être emparée du désert, les dunes même exultaient, et l'océan, dans les lointains, flambait ainsi qu'un immense feu de joie. Plus près de nous, dans le repli de collines, où s'épanche le ruisseau de la fontaine miraculeuse, une espèce de ville nomade s'improvisait sous nos yeux. Comme au temps des migrations des peuples pasteurs, le mot est de Jules Breton, des tentes innombrables, de toutes formes et de toutes nuances, s'élevaient, se groupaient, bombaient au vent leurs toiles bises, donnaient l'impression d'un campement de barbares, ou mieux encore, d'un débarquement d'écumeurs de mer. Beaucoup de ces tentes, en effet, s'étayaient sur des rames plantées dans le sol, et elles étaient recouvertes pour la plupart de voilures de bateaux exhibant, en grosses lettres noires, leur matricule et l'initiale de leur quartier. Alentour de l'étrange bourgade, les chariots renversés sur l'arrière enchevêtraient leurs roues, hérissaient la plaine d'une forêt de brancards, tandis que dans les pâtis voisins, les bêtes erraient à l'aventure. Et sur tout cela planait une clameur, un vaste bourdonnement humain, auquel se mêlait à intervalles réguliers en sourdine le grondement cadencé des flots. Nous fîmes un circuit pour gagner l'église. Une tribu entière de mendiants était couchée à l'ombre des ormes dans l'enclos. Ils ne nous eurent pas plus tôt aperçus qu'ils se ruèrent sur nous avec des abois de chiens hurleurs. Jamais encore je n'en avais vu en telle quantité, pas même au pardon de Saint-Jean-du-Doigt, où cependant ils fourmillent. Surtout, jamais je n'en avais rencontré d'aussi insolents. Ils ne demandaient pas l'aumône, ils l'exigeaient. « Payez le droit des pauvres » criaient-ils. Et ils nous frôlaient de leurs ulcères. Ils nous soufflaient au visage leur haleine nauséabonde, empuantie par l'alcool. Il fallut jeter en l'air plusieurs poignées de sous pour nous débarrasser d'eux. Comme je m'étonnais que le clergé tolérât aux abords immédiats du sanctuaire cette horde cynique et répugnante, mon compagnon, qui me servait en même temps de cicérone, me répondit « Ils sont ici de fondation. Jadis, ils s'intitulaient les rois de la palude. Royauté éphémère, d'ailleurs, car il n'y a que le samedi qui leur appartienne. Arrivés ce matin, nul ne sait d'où, ils s'esquiveront cette nuit. Ils terminent en ce moment leur collecte, et c'est pourquoi ils y mettent tant d'âpreté. Si pourtant il leur plaisait de rester demain, ils violeraient l'usage, et l'usage en Bretagne est, selon le vieux dicton, plus roi que le roi. Puis demain les gendarmes seront là. Nos gueux ont horreur de ces troubles fêtes. La présence d'un tricorne leur est insupportable. Ils aiment mieux décamper. Demain, enfin, les routes seront encombrées de voitures. Les infirmes risqueraient d'être mis en pièces, en sorte que la simple prudence s'accorde avec la tradition pour conseiller à la bande un prompt départ. Vous pourrez avant peu juger par vous-même que cet exode des loqueteux à la nuit pleine ne manque pas d'un certain ragoût. Nous avions franchi le seuil de l'église. Combien reposant cet intérieur après le tumulte du dehors. Sur les murs blancs couraient des guirlandes de lierre et de houx, des ancres symboliques ornées de branches de sapin étaient appendues çà et là. Des goélettes en miniature, chef-d'œuvre de patience et de délicatesse, se balançaient dans une vapeur d'encens, et sur son socle, la sainte, habillée de neuf, avait les grâces jeunettes d'une aïeule endimanchée. De temps à autre, un pèlerin se levait du milieu de l'assistance prosternée sur les dalles, s'approchait de l'image vénérée et dévotement baisait le bas de sa robe. Des mères haussaient leurs enfants à bras tendus jusqu'à la douce figure de pierre, et l'odeur des cires ardentes imprégnait l'air et leur fine fumée bleuâtre montait. Peu à peu, la nef se vida, quelques vieilles en cap de deuil y demeurèrent, seules, à égrener un interminable rosaire, triste comme une lamentation. C'était l'heure du souper, la nuit tombait. Une tente basse, profonde, semi-auberge, semi-dortoir. Des gens ronflent à l'une des extrémités, tandis qu'à l'autre bout on mange, on boit, aux vacillantes lueurs d'une chandelle de suif. Sur la table, des plats d'étain où nagent des saucisses, des brocs, des chopines débordantes d'un cidre huileux, quoique très additionné d'eau, que la chaleur a fait tourner en vinaigre. Des réchauds avec de la braise pour allumer les pipes, une grande jarre pour se laver les mains. Nous sommes chez Marie-Ange, matrone aigriarde, qui n'a d'angélique que le nom. D'ordinaire, elle vend du poisson à Douarnenez, sous les Halles, et c'est seulement par occasion, dans les circonstances solennelles, qu'elle fait métier de cabaretière. Croyez qu'elle s'en tire à merveille, vive, preste, l'œil à tout et un mot pour chacun, la jambe alerte, le parler hardi. La portière de la tente, un pan de toile retenu par une amarre en guise d'embrasse, s'ouvre sur l'église et plus loin, par une fente des dunes, sur la tranquillité sereine de la mer. Un feu de motte brûle à quelques pas en plein vent. Au-dessus bout le café de Marie-Ange, dans un chaudron accroché à un faisceau de branchages. Des vols d'étincelles s'éparpillent, allument dans l'herbe desséchée de petites flammes courtes et rapides. À droite, une masse sombre, la silhouette d'une roulotte. Une fille de bronze, accoudée entre les colonnes torses de la balustrade, regarde devant elle dans le vague, cependant qu'un personnage difforme cloue au fronton de la voiture cette mirobolante affiche qu'Ererno Michel annonce la bonne aventure, certain des pronostics, garantit la guérison des verrues. La nuit est tiède, pacifique, baignée d'une molle clarté de lune qui semble filtrée par gouttes de vers l'Orient. On entend respirer les ondes. Un silence impressionnant a succédé à l'animation du jour. Le ciel se recourbe très haut comme la voûte d'un temple infini et l'on se prend à baisser la voix en causant de peur de manquer de respect à ce je ne sais quoi de divin qui rôde au fond de ce silence majestueux. Or voici tout un coup qu'un chant s'élève, une lente et rauque rhapsodie qu'on dirait hurlée à tue-tête par un cœur d'ivrogne. « Hennes copti, agerne, war vordic, armor glas » Note, en l'évêché de Cornouailles, sur le bord de la mer bleue. Ce sont les mendiants qui déguerpissent, cortège fantastique et macabre. Ils défilent en troupeaux, pêle-mêle, célébrant de leurs gosiers avinés la louange de la palude et les mérites de la bonne sainte, vraie grand-mère du Sauveur, par qui la rose a fleuri où ne poussait que l'épine. Plus d'un qui titube chante quand même, comme en rêve. Les femmes emportent dans les bras des nourrissons sans père, nés des promiscuités de hasard, au long des routes. Les aveugles vont, de leur allure hésitante de somnambule, la face tournée vers le firmament, la main cramponnée à leur bâton fait de la tige d'un jeune plant et semblable à une houlette. Des tronçons d'hommes branlent ainsi que des cloches entre des montants de béquilles. Un innocent ferme la marche, un grand corps à la face hébétée, qu'à sa robe grise dans l'obscurité on prendrait pour un moine. Sur son passage, les gens se découvrent et se signent, car l'Esprit de Dieu habite dans l'âme des simples. Marie-Ange lui offre en termes gracieux un verre de cidre, mais il n'a plus soif, au dire de la vieille qui le mène en laisse. Et il disparaît avec les autres par la pente des dunes, dans le noir. Un pèlerin me chuchote à l'oreille. Sainte-Anne a une affection particulière pour cet idiot. Il y a 6 ans, il tomba malade à des lieues d'ici, du côté de la montagne d'Arrée, en sorte qu'il ne put arriver à la palude pour la fête. Le pardon en fut gâté. Du vendredi matin au lundi soir, il plut à verse. La bénédiction du ciel accompagne les innocents. Le silence est redevenu profond, sauf par intervalles, un hennissement, un appel lointain de bêtes garées, et toujours le bruit de la mer assoupie, calme comme un souffle d'enfant. Nous avons descendu les sentiers abrupts qui conduisent à la plage. Dans les anfractuosités des roches, des couples étaient assis, jeunes hommes et jeunes filles. Celles-ci, ouvrières en sardine, de l'île Tristan, de Douarnenez, de Tréboul, peut-être même d'Audierne et de Saint-Guénolé. Ceux-là, marins de l'État, courus de Brest, en permission pour embrasser leurs amis, leurs douces. pour faire avec elle, avant la prochaine campagne, une mélancolique et suprême veillée d'amour. Sainte Anne a l'indulgence des grands-mères. Elle ne se scandalise point de ces rendez-vous nocturnes. Elle les favorise, au contraire, étend sur eux le dais velouté de son ciel piqué d'étoiles, leur prête sa dune moelleuse, les recoins discrets de ses grottes tapissées d'algues, les enveloppe de mystère, de poésie, de sérénité. Elle sait d'ailleurs l'héréditaire chasteté de cette race, et que l'amour, à ses yeux, est une des formes de la religion. Marie-Ange, il est vrai, nous a raconté tantôt l'histoire d'une capenne, d'une fille du Cap-Sizun, qui attrapa au pardon de la palude une maladie de 36 jeudis. Mais si l'on cite de tels exemples, c'est que précisément ils sont rares. Les couples que nous avons frôlés se tenaient la main sans dire mot, absorbés dans une contemplation muette où leurs âmes seules communiquaient. Et leurs pensées paraissaient plutôt graves que folâtres. Ils me remirent en mémoire deux vers d'une chanson de bord entendue naguère au pays de Paimpol. « Ropleur, ropleur, mestrezik flour, mais ouel ma marobar sandour. Tais-toi, tais-toi, maîtresse exquise, je vois ma mort dans l'eau. » Sur les fiançailles des marins, quelque chose de tragique plane toujours, et les aveux qu'ils échangent avec les jouvencelles sont le plus souvent tristes comme des adieux. Un coup de sifflet nous avertit que la glaneuse venait de stopper. D'habitude, le petit vapeur côtier franchit la baie en ligne droite, de Morgat à Douarnenez. Mais, à l'occasion du pardon, il fait escale à la palude. Nous nous trouvâmes une vingtaine de passagers sur le pont. Presque tous étaient des pêcheurs de la baie. Les rustiques, aussi bien au retour qu'à l'aller, préfèrent la voie de terre. Un paysan de Ploaret figurait pourtant parmi nous, avec sa femme. Mon compagnon, qui le connaissait, l'interpella. « Comment, vieux timeur, vous n'avez pas craint de vous fier au chemin des poissons? Est-ce un vœu que vous avez fait, ou bien vos jambes refusaient-elles de vous porter ?»« Ce n'est ni l'un ni l'autre, » répondit-il, en se rapprochant de nous, heureux d'avoir avec qui causer pendant le trajet. « Nos jambes, Dieu merci, sont encore solides, et quant à notre vœu, René-Jeanne et moi, nous nous en sommes acquittés dans la soirée, dévotement, comme il sied à des chrétiens. » « C'est donc alors que vous vous êtes réconciliés avec la mère ?»« Non plus, je lui en voudrais tant que je vivrai. Elle nous a pris notre fils Yvon, que Dieu ait son âme. Ces choses-là ne se pardonnent point. La mère, ni René-Jeanne ni moi, nous ne pouvons la sentir. Une de nos fenêtres donnait dessus, nous l'avons murée. La terre est la vraie mère des hommes. La mère est leur marâtre. Si j'étais Sainte-Anne, je la dessécherais toute, en une nuit. » « Oui, mes vieux timeurs, cela ne nous dit pas... « C'est juste. Après tout, il n'y a pas de mal à vous conter ça, puisque rien n'arrive sans la permission de Dieu. N'est-ce pas, René-Jeanne ?» René-Jeanne, accroupie sur un rouleau de cordage, marmonnait une série d'oraisons bizarres, sans doute des formules de conjuration contre les esprits malfaisants des eaux. Elle esquissa de la main un geste vague, et le père Timeur, après s'être assuré que nous étions seuls à l'écouter, commença son récit. « Voilà. » L'année précédente, à pareille époque et à pareille heure, ils s'en revenaient tous deux, René-Jeanne et lui, vers Ploaret par la route. Un peu avant Kerlaz, sur la droite, est le sanctuaire de la Clarté, où les pèlerins de la palude ont coutume de faire une station et de réciter une prière, parce que Notre-Dame de la Clarté passe pour être la fille aînée de Sainte-Anne, comme Notre-Dame de Kerlaz et sa seconde fille. Nos gens allaient franchir l'échalier de l'enclos quand, à la faveur de la lune, ils aperçurent dans la douve un homme assis sur une espèce de boîte longue, aux ais disjoints, et qui paraissait à bout de force, car la sueur pleuvait de son front dégarni entre ses doigts extraordinairement maigres. Timeur, l'abordant, lui dit avec compassion « Vous avez l'air exténué, mon pauvre parrain. Oui, le fardeau que j'ai apporté est bien lourd. Y a-t-il encore loin jusqu'à la palude ?» demanda le malheureux d'une voix triste. « 3/4 de lieue environ. Nous sommes, ma femme et moi, tout disposés à vous aider, si nous pouvons quelque chose pour votre soulagement. Certes, vous pouvez beaucoup. Parlez. Ce serait de faire dire une messe à l'église de votre paroisse pour le repos d'une âme en peine, d'un Hanaon. En échange, continua le trépassé, c'en était un, je vous donnerai un avis salutaire. » Si jamais vous acceptez d'accomplir un pèlerinage au nom d'un de vos amis, tenez fidèlement votre promesse de votre vivant. Sinon, il vous en cuira comme à moi après votre mort. Je m'étais engagé à aller à la palude pour celui qui est ici sous moi dans cette chasse. Mais La vie est courte, et il y faut penser à la fois à trop de choses. J'omis la plus importante. J'en suis bien puni. Depuis je ne sais combien de temps que je m'achemine vers Sainte-Anne, je n'avance chaque année que d'une longueur de cercueil. Si vous sentiez comme cela pèse lourd le cadavre d'un ami trompé, en faisant dire pour moi la messe que je vous demande, vous abrégerez ma route d'un grand tiers. Note. Monsieur Le Carguet, le folkloriste du Cap Sizun, m'a communiqué une légende analogue à celle-ci et qui avait trait également au pardon de la palude. Fin de note. Sur ces mots, il disparut. Timur et sa femme, agenouillés sous le porche, y restèrent en prière jusqu'au petit matin, se bouchant les oreilles pour n'entendre point ahanner le mort sous son fait d'ossements et de planches pourries. Le vieux concluait « On ne s'expose pas deux fois à de semblables rencontres, n'est-ce pas, René-Jeanne ?» René-Jeanne avait ramené sur son visage sa cape de laine blanche bordée d'un large galon de velours noir et tournait obstinément le dos à la mer. Elle était cependant délicieuse à voir, la mer, en cette admirable nuit d'août, tiède et toute parfumée d'un arôme étrange, comme si les voluptueuses fleurs des jardins de Kerris, éveillées tout à coup de leur enchantement, se fussent venues épanouir à la surface des eaux. Elle gisait là, presque sous nos pieds, la féerique cité de la légende. Par instant, au creux des houles, on eût dit que son image allait disparaître. On croyait entendre des voix, des bruits, et les phosphorescences qui brûlaient à la crête des vagues semblaient l'illumination d'une ville en fête. Nous rasions de hauts promontoires, de longs squelettes de pierre aux figures énigmatiques, attentifs depuis des siècles à quelques spectacles sous-marins, visibles pour eux seuls. Le ciel au-dessus de nos têtes était comme un autre océan où, parmi le scintillement des étoiles, un croissant de lune flottait.